à tous ses poings tendus, à tous ses yeux cloués. Par des malentendus, par des absurdités, aux amateurs de feu, aux amateurs de sang, qui pourront punir d'eux, en tueraient bien 200. À tous ces combattants, battus de père en fils, cocu, vengé, content, un matin d'armistice. Depuis le temps accompli, lorsque vous ordonnez, aujourd'hui ça suffit, on l'a déjà donné. À ceux qui ont raison héréditairement, qui sont de la maison mais pas du bâtiment, à ceux qui sont en place parce que papa y était, qui sont d'une autre race, qui ont vu Dieu de près. J'oppose la folie, la fantaisie, le vent. J'oppose le génie d'un tout petit enfant à ceux qui n'ont rien fait que l'effort d'être né. Je dis allez-en paix, on a déjà donné. On a déjà donné tant de fois, par amour, par pitié pour la croix. On a donné tant de fois pour rien, en se disant c'est pour demain. À celle qui sourit quand le chat n'est pas là, qui tout haut dise oui et pense non tout bas. À celle qui nous trompe sans tromper l'ennui, mais qui l'emporteront quand même au paradis. J'oppose cœur ouvert, cœur battu, cœur battant, mes mauvaises manières et mes bons sentiments. Pas celle qui se donne sans s'abandonner. Je dis que nous les hommes, on a déjà donné. Et pourtant quand l'amour vient frapper, on lui ouvre, on se jette à ses pieds. On se dit ça y est, c'est ce matin, mais c'est toujours, toujours pour demain.